pour ce nouveau numéro de l'Instant Présent, votre rendez-vous donc consacré au développement personnel. Dans cette émission, nous allons donc explorer ensemble un thème fondamental, comment vivre l'instant présent. Dans notre société hyper connectée, où nous jonglons constamment entre passé et futur, entre regrets et inquiétudes, prendre le temps de s'ancrer dans le développement personnel et dans le présent devient un véritable défi. Pourtant, c'est dans cet instant, ici et maintenant, que se trouve notre véritable pouvoir d'action et notre source de bonheur authentique. Alors, à travers une sélection musicale, nous allons découvrir comment les artistes nous invitent à savourer chaque moment et à embrasser la beauté de l'instant présent. Alors on va commencer tout de suite par donc la chanson de Grand Corps Malade, c'est aujourd'hui que cela se passe. Grand Corps Malade nous livre un texte puissant, donc il rappelle que le moment idéal pour agir, aimer, créer et vivre, ce n'est ni hier ni demain, mais bien aujourd'hui, une véritable invitation à savourer le présent sans attendre. Je vous propose donc tout de suite de retrouver Grand Corps Malade, c'est aujourd'hui que cela se passe. Au quotidien, je me prétends plutôt tranquille et patient. Je crie pas, je marche doucement, je suis docile et pas chiant. On peut très facilement m'accuser de nonchalance. Pourtant, sur certains points, j'ai bien senti l'urgence. L'urgence de choisir mes envies, l'envie de choisir mes urgences. Choisir mes combats, mes refus, mes évidences. Choisir pour mieux agir et ne plus procrastiner. Pour vivre l'instant, j'ai fait des progrès stylés. Demain, c'est loin et c'est pas moi qui l'ai dit. Le présent est précieux, l'inertie l'enlaidit. Si l'espoir se permet, quand l'élan se transmet, honnêtement, faut y aller, c'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Est-ce que c'est pas plus subversif d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de se craindre, d'accepter de se joindre? Puisque la vie est un jeu plutôt interactif, essayons tous ensemble d'en faire un terrain de kiff. C'est dès aujourd'hui qu'on peut changer les choses, qu'on peut scander nos causes, qu'on ose et qu'on propose. Il y a quelques sujets qui ne peuvent plus attendre. On a tous un rôle à jouer et quelques comptes à rendre. Le climat, le partage, solidaire, être heureux. Soyons à la hauteur, ce n'est pas surhumain de remettre à aujourd'hui ce qu'on pensait faire demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pour que nos actes se reflètent dans un futur apaisant, avec ma DeLorean, c'est retour vers le présent. Y'a pas beaucoup de temps, mais y'a encore de l'espace pour deux, trois trucs importants. C'est aujourd'hui que ça se passe. Après Grand Corps Malade, poursuivons donc notre florilège de chansons qui évoquent justement et qui nous invitent à profiter de l'instant présent. Et on va écouter maintenant un très beau duo, Vianney et Renaud, avec la chanson « Maintenant ». Dans ce duo intergénérationnel, Vianney et Renaud nous rappellent que le moment à chérir, c'est celui qu'on vit. Un message à la fois tendre et lucide, le passé est derrière, l'avenir n'est pas encore là, alors ce qu'on a vraiment entre les mains, c'est maintenant. On retrouve Vianney et Renaud maintenant. J'ai fait mon sac 100 fois, jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde et je m'y fais pas, immonde et sublime à la fois. Je me pose 1000 questions par jour, je suis au tiers du parcours. Est-ce que vivre vieux vaut le détour? On veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. l'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. De jeune et docile, on finit fossile. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire? Je suis prêt à me battre encore 1000 ans, et je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur. Non pas des liens mais du pire. Monte les mers, fane les fleurs. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent. Et tout ça ne changera pas. C'est fini les lèvres, fini les rêves, fini les dix papas. Toi qui as vécu 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis ou ici bas? Maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balaye le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens, balaye les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi, j'ai pas l'heure, tant mieux. J'ai fait mon sac 100 fois, un jour on le fera pour moi. Et je le saurai même pas, mais ce sera la dernière fois. J'y pense jamais, pourtant je devrais, pourtant je sais que je vais pleurer si j'ai rien vécu d'ici là. Donnez-moi d'être pardonné, jetez-moi si j'ai rejeté. À quoi bon le pouvoir des mots s'il ne sert au devoir d'aimer? Pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret, c'est maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens, balaie les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi j'ai pas l'heure, tant mieux. Certains voudraient vivre vieux. Moi je veux partir heureux. Et si on retrouvait maintenant Vanessa Paradis avec la chanson « Il y a ». Vanessa Paradis nous énumère avec poésie tout ce qu'il y a dans un instant, dans une vie, dans un regard. « Il y a » célèbre l'abondance du présent. Et donc cette chanson nous invite à porter un regard neuf sur notre quotidien. « Il y a » tant de choses à découvrir, à ressentir, à apprécier dans chaque instant. Vanessa Paradis nous enseigne l'art de l'émerveillement, cette capacité à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, vous êtes dans l'instant présent et on découvre un florilège de chansons qui évoquent justement l'instant présent. On retrouve tout de suite donc Vanessa Paradis, « Il y a ». Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y

laissons-nous vivre le présent d'abord. Oui, laissons-nous vivre à l'instant plus fort. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission donc de l'exploration musicale de l'instant présent à travers ces chansons. Nous avons découvert que vivre l'instant présent peut prendre mille formes, respirer consciemment, s'émerveiller du quotidien, aimer intensément, agir sans attendre ou simplement être authentique. L'instant présent n'est pas une destination, c'est un art de vivre. Alors terminons par ce proverbe chinois, hier est derrière, demain est mystère et aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Alors je vous laisse avec cette pensée et si en sortant d'ici, vous preniez quelques instants pour vraiment regarder autour de vous, pour écouter les sons qui vous entourent, l'instant présent vous attend, il est là maintenant. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau thème de l'instant présent. D'ici là, prenez soin de vous maintenant. Merci à tous et retrouvez-nous très rapidement donc sur l'instant présent. Et puis, si vous avez pris l'émission en cours, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions de l'instant présent en replay sur le site de Radio Fadjet.